Chapitre troisième. Il y eut un silence de quelques minutes, tandis que Mrs. LeCount, ouvrant le second des deux documents étalés devant elle sur la table, le parcourait rapidement d'un bout à l'autre pour le rendre plus présent à sa mémoire. Ceci fait, elle s'adressa de nouveau à Noël Vanstone, prenant soin de baisser la voix et de déjouer ainsi la curiosité qui pourrait venir aux écoutes dans le couloir extérieur. « Avec votre permission, monsieur, » commença-t-elle, « je vais avoir à vous parler encore de votre femme. C'est à mon grand regret que je reviens sur un sujet si douloureux, et je tâcherai de condenser dans le moins de mots possible, aussi bien pour vous que pour moi, ce que j'ai à dire d'elle. Que savons-nous de cette femme, monsieur Noël ? À ne la juger que d'après ses propres aveux lorsqu'elle se présenta chez nous sous le nom de Miss Garth, et d'après ses propres actes, plus tard, quand nous habitions ensemble à Aldborough. Nous savons que si la mort n'avait pas mis brusquement votre père hors de sa portée, elle avait tout près un complot destiné à lui ravir l'argent qui provenait de Cambraven. Nous savons que lorsque vous eûtes hérité de cet argent, elle organisa immédiatement un complot pour vous l'enlever. Nous savons comment elle a mené à bout cette intrigue, et nous savons que votre mort suffirait en ce moment pour couronner son œuvre de fraude et de rapacité. De tout ceci, nous sommes bien certains. Nous sommes certains qu'elle est jeune, spirituelle et hardie, qu'elle est sans pitié, sans scrupules, et qu'en outre, elle possède des qualités personnelles dont les hommes en général, sans que moi j'y puisse rien comprendre, font l'objet de leurs futiles admirations. Ce ne sont là pas des chimères, monsieur Noël, ce sont des faits connus de vous comme de moi. Il fit un signe d'affirmation et Miss LeCount continua. Ne perdez point de vue, monsieur, ce que j'ai dit du passé. Puis jetons ensemble un coup d'œil sur l'avenir. Je crois, et j'espère, que vous avez encore devant vous bien des jours. Mais supposons un moment, que vous veniez à mourir. Laissant après vous ce testament qui assigne votre fortune à votre cousin George. On m'a dit qu'il existait à Londres un bureau où doit être déposé copie de tous les testaments. Moyennant un shilling, le premier curieux venu peut entrer dans ce bureau et demander communication de n'importe quel acte de dernière volonté. Voyez-vous, monsieur Noël, où j'en veux venir? La veuve que vous aurez déshéritée achète, au prix d'un shilling, le droit de lire votre testament. La veuve que vous aurez déshéritée y voit que la succession de Cambraven, après vous avoir été transmise par votre père, a passé de votre tête sur celle de M. George Bartram. Quel est le résultat infaillible d'une pareille découverte? C'est que vous aurez légué à votre cousin, à votre ami, la vengeance et les ruses de cette femme. Vengeance plus déterminée, ruse plus infernale que jamais, par suite de l'exaspération où l'aura acheté sa défaite. Et qu'est-ce que votre cousin George? Un homme généreux, sans méfiance aucune, lui-même incapable de la moindre fourberie, ne craignant point celle des autres. Si vous le laissez à la merci des fascinations que votre femme emploie sans scrupule et des impénétrables tromperies qu'il sait ourdir, je vois d'ici le dénouement, aussi clair que je vous vois assis devant moi. Elle saura l'aveugler comme elle vous aveuglait vous-même, et malgré vous, malgré moi, elle aura cette fortune. » Elle s'arrêta, laissant ses dernières paroles porter la conviction dans l'esprit de son maître. L'exposé de la situation était si net, la conclusion en était si bien déduite, que sans le moindre effort et tout d'un coup, il saisit la portée de ce discours. « Je vois, » disait-il, serrant les poings par un geste qui respirait la vengeance. Je comprends, LeCount, mais elle n'aura pas un farthing. Dites-moi seulement ce que j'ai à faire. Dois-je tester en faveur de l'amiral? Il s'arrêta et après un instant de réflexion. Non, le legs en faveur de l'amiral offre les mêmes périls que le legs en faveur de George. Vous écarterez ces périls, monsieur Noël, si vous voulez bien vous conformer à mes avis. Quels sont-ils? Suivez, monsieur, l'idée que vous avez eue. Reprenez la plume. Et laissez à l'amiral Bartram les capitaux dont il s'agit. » Il trempa machinalement la plume dans l'encrier, puis il hésita. Vous devez, monsieur, reprit Mrs. Lecount, être informé avant de signer votre testament du but où je prétends vous conduire. Mais d'ici là, continuons à gagner pouce à pouce autant de terrain qu'il nous sera possible. Je voudrais que le testament fût écrit d'un bout à l'autre avant que nous fissions un pas de plus. Commencez, monsieur Noël, votre troisième paragraphe au-dessous des lignes par lesquelles vous me léguez les 5 000 livres. Elle dicta comme suit, toujours d'après l'ébauche qu'elle avait apportée, la dernière et la plus essentielle des clauses testamentaires. Tout ce qui restera de mes biens, après l'acquittement des frais de sépulture et de toutes mes dettes légalement reconnues, je le donne et lègue au contre-amiral Arthur Everard Bartram, mon exécuteur subventionné, pour être par lui employé à tels usages qu'il jugera convenable. Signé, scellé et déposé ce troisième jour de novembre 1847 par Noël Vanstone, le testateur y dénommé, comme étant sa dernière volonté testamentaire, et ce, en la présence de nous, témoins sous-signés. Est-ce donc tout ? Demanda Noël Vanstone, qui semblait fort étonné. Cela suffit, monsieur, pour léguer votre fortune à l'amiral, et dès lors il n'est besoin d'y rien ajouter. Revenons maintenant à l'hypothèse que nous examinions naguère. Votre veuve, moyennant un shilling, prend connaissance de ce testament. Elle y trouve, léguée à l'amiral Bartram, les 80 000 livres provenant de Combraven, avec cette énonciation claire et nette, que cet argent lui est donné pour en faire ce qu'il voudra. Voyant ceci, que fait-elle ? Elle dresse un piège à l'amiral. Il est homme, il est célibataire, il est vieux. Qui donc le protégera contre les artifices de cette femme résolue à tout ? Ce sera vous, monsieur. Par quelques légers coups de cette plume féconde en résultat magique. Vous lui avez fait, par votre testament, ce legs appelé à passer sous les yeux de votre femme. Retirez-le-lui maintenant, par une lettre dont l'existence sera un secret entre l'amiral et vous. Placez le testament et la lettre sous la même enveloppe et mettez le tout entre les mains de l'amiral en y joignant la recommandation écrite de ne rompre le cachet que le jour même où il apprendra votre mort. Le testament, ce jour-là, ne dira pas autre chose que ce qu'il dit maintenant, mais la lettre, dont personne n'aura connaissance, si ce n'est vous deux, la lettre lui dira la vérité. Or, il apprendra par cette lettre qu'en lui laissant votre fortune, vous entendez qu'il prenne son legs d'une main pour le transférer de l'autre à son neveu George. Vous ajouterez que votre confiance en lui repose à cet égard sur l'estime profonde que vous inspire son caractère et la foi que vous mettez dans le souvenir affectueux qu'il garde à votre père ainsi qu'à vous. L'amiral vous est connu depuis votre première enfance. Il a ses petites fantaisies, ses innocentes excentricités, mais de la pointe des cheveux à la pointe des pieds, c'est le type du vrai gentleman. Et il est absolument incapable de manquer à une mission de confiance, placée par un ami défunt sous la sauvegarde de son honneur. Affrontez hardiment la difficulté que je vous signalais, par le stratagème que je vous indique ici, et vous arrivez à soustraire au piège de votre femme, l'un par le moyen de l'autre, ces deux hommes incapables de se protéger eux-mêmes. Ici, d'un côté, votre testament qui assigne ostensiblement votre fortune à l'amiral, et d'après lequel votre femme organise ses intrigues. Et là, d'autre part, votre lettre qui, sans qu'on le sache, met dans les mains du neveu les capitaux en péril. La dextérité malicieuse de cette combinaison était précisément celle que Noël Vanstone devait apprécier le mieux. Il voulut exprimer tout haut l'approbation, disons mieux l'admiration qu'elle lui inspirait. Mrs. Lecount, cependant, leva la main, comme pour l'avertir de rester encore bouche close. « Attendez, monsieur, continua-t-elle, avant d'exprimer votre opinion. Nous n'avons encore surmonté qu'à demi la difficulté qui nous préoccupe. Admettons que l'amiral a usé de votre legs, selon vos instructions le lui prescrivait. Tôt ou tard, si bien que le secret soit gardé, votre femme découvrira la vérité. Quelles conséquences aura cette découverte ? Elle vient mettre le siège devant Mr. George. Vous n'avez fait encore que laisser la fortune à ce dernier par une voie indirecte. À l'expiration d'un délai quelconque, le voilà aussi bien à la merci de votre femme que si vous l'aviez directement et ouvertement institué votre héritier. À ceci, quel remède ? Le remède est de préparer à votre femme, si nous le pouvons, une nouvelle déception. Et pour protéger votre cousin George, d'élever entre elle et les 80 000 livres qu'elle convoite un obstacle de plus. Devineriez-vous, monsieur Noël, le meilleur obstacle, le plus efficace à jeter sur sa route ? Il secoua la tête. Mrs. LeCount se prit à sourire et, posant familièrement sa main sur le bras de son maître, lui fit par la même dresser l'oreille. Jetez une femme sur la route de Mrs. Noël, murmura-t-elle du ton le plus insidieux. Ce n'est pas nous qui nous laisserons fasciner par sa beauté, quelque influence qu'elle puisse avoir sur votre faiblesse. Nos lèvres à nous ne brûlent pas de se poser sur ses joues de satin. Nos bras ne frémissent pas à l'idée d'enlacer cette taille souple. À travers ses grâces, ses sourires, comme à travers son corset et ses robes garnies, nous voyons clair nos autres femmes. Elles ne sauraient nous fasciner. Placez donc une femme sur son chemin, monsieur Noël. Non pas une femme dépourvue comme moi de toute ressource, une simple domestique hors d'état de lutter contre elle, mais une femme investie de l'autorité, armée de la jalousie, qui sont l'apanage d'une légitime épouse. Mettez pour condition dans votre lettre à l'amiral que si Mr. George est encore célibataire au moment de votre mort, il devra se marier dans un délai donné ou perdra ses droits au legs. Supposons que, malgré la condition stipulée, il reste garçon. À qui, dans ce cas, la fortune reviendra-t-elle ? Encore une fois, monsieur, placez une femme sur le chemin de Mrs. Noël, en laissant vos biens, dans cette dernière hypothèse, à celle des sœurs de votre cousin George, qui est déjà en puissance de mari. Elle s'arrêta. Noël Vanstone voulut encore une fois exprimer son approbation, et la main de Mrs. LeCount, une fois encore, le réduisit au silence. Si vous êtes satisfait, monsieur Noël, dit-elle, je tiens pour très suffisant votre assentiment silencieux. Si au contraire vous aviez quelque chose à objecter, je vais répondre à vos doutes sans vous donner la peine de les formuler. Vous allez peut-être dire, en supposant que cette condition suffise pour en arriver où nous voulons, quelle nécessité de la cacher dans une lettre secrète adressée à l'amiral ? Pourquoi ne pas l'écrire en toutes lettres dans le testament ? Où le nom de mon cousin serait mentionné de même en toutes lettres ? Pour une seule raison, monsieur. Et uniquement parce qu'avec une femme comme la vôtre, les seules voies un peu plus sûres sont celles où l'on reste invisible. Plus mystérieuses seront vos intentions, plus elle devra perdre de temps à les pénétrer. Ce temps que vous l'obligez de perdre est distrait de celui qu'elle pourrait employer à tromper l'amiral. Et ajoutez à celui que Mr. George, s'il est encore garçon, pourra librement consacrer au choix d'une femme. Ajoutons que, pour l'objet de son choix, sans cela exposé aux soupçons et à l'hostilité de votre femme, ce temps perdu par elle est profit net. Souvenez-vous de ce flacon que nous avons découvert là-haut, et maintenez-le le plus longtemps possible dans une ignorance qui lui ôte les moyens de nuire, cette femme toujours prête aux parties les plus désespérées. En aussi peu de mots que possible, monsieur Noël, voilà mon avis clair et net. Maintenant, qu'en pensez-vous ? Ne suis-je pas, à ma façon, presque aussi inventive que votre ami Mr. Bygrave ? Et ne sais-je pas, moi aussi, conspirer un peu, quand je donne pour objet à mes complots de réaliser vos désirs et de protéger vos amis ? Libre enfin d'utiliser sa langue, Noël Vanstone exprima l'admiration que lui inspirait Mrs. LeCount dans des termes absolument identiques à ceux dont il s'était servi précédemment pour rendre hommage au capitaine Raig. « Quelle tête vous avez » disait-il naguère, pour exprimer sa reconnaissance au plus âpre ennemi de Mrs. LeCount. « Quelle tête vous avez » répétait-il maintenant, pour témoigner sa reconnaissance à Mrs. LeCount elle-même. C'est ainsi que les extrêmes se touchent, et telle est aussi parfois la vaste capacité qui se manifeste dans l'approbation d'un sot. « Souffrez, monsieur, dit Mrs. LeCount, que ma tête justifie les compliments dont vous l'avez honoré. La lettre à l'amiral n'est pas encore écrite. Votre testament que voilà est un corps sans âme, un Adam sans Ève, tant que la lettre ne sera pas rédigée et placée à côté de lui. Je vais dicter encore un peu. Vous écrirez quelques lignes de plus et notre besogne sera terminée. Pardon, la lettre sera plus longue que le testament. Il faut prendre cette fois un papier de plus grand format. L'écritoire mis à contribution fournit un cahier de papier lettres de la dimension requise. Mrs. LeCount reprit sa dictée et Noël Vanstone ressaisit sa plume. Balliol Cottage, Dumfries, le 3 novembre 1847. Particulière. Cher amiral Bartram, quand vous ouvrirez mon testament, où vous êtes désigné comme l'unique exécuteur de mes volontés dernières, vous verrez que, sauf un legs de 5 000 livres, je vous ai laissé la totalité de mes biens meubles et immeubles. La présente lettre a pour but de vous faire connaître l'objet de cette disposition qui place en vos mains toute ma fortune. Veuillez considérer cette libéralité comme devant être transmise par vous, sous certaines conditions, à votre neveu George. Si votre neveu est marié à l'époque de ma mort, et si sa femme est vivante, je vous requiers de le mettre immédiatement en possession de votre legs. Vous y ajouterez l'expression de mon désir, désir qu'il envisagera certainement comme le lien étroit d'une obligation sacrée, de le voir constituer cette fortune sur la tête de sa femme et sur celle des enfants que le ciel pourra leur envoyer. Si, d'autre part, à l'époque de ma mort, il était encore célibataire ou s'il était veuf, j'attache comme condition à son legs, pour l'un et l'autre cas, qu'il sera marié dans le délai de... Mrs. LeCount posa sur la table le projet de lettre d'après lequel, jusqu'alors, elle avait dicté. Puis un signe d'elle informa Noël Vanstone qu'il pouvait laisser reposer sa plume. « Nous en sommes à la question de temps, monsieur, » lui fit-elle remarquer. « Quel délai voulez-vous accorder à votre cousin pour se marier, s'il est encore garçon ou déjà veuf à l'époque de votre mort ?»« Lui accorderai-je 1 an ?» demanda Mr. Noël Vanstone. « Si nous n'avions envisagé que les convenances, » dit Mrs. LeCount, « je dirais 1 an, tout comme vous, monsieur. Surtout si Mr. George se trouvait à l'état de veuvage. Mais nous avons envisagé les manœuvres de votre femme, au moins tout autant que les convenances. » Une année entière de délai, entre l'époque de votre mort et celle où votre cousin sera tenu de se marier, laisserait pendant bien longtemps en suspens la destination définitive de votre fortune et l'exposerait à bien des hasards. À une femme déterminée, si vous accordez 1 an pour comploter, intriguer tout à son aise, Dieu seul peut savoir tout ce qu'elle est en état d'accomplir. 6 mois alors, suggéra Noël Vanstone. « Je préfère 6 mois, monsieur, » répliqua Mrs. LeCount. « Un intervalle de 6 mois, à compter du jour de votre mort, doit amplement suffire à Mr. George. »« Vous paraissez troublé, monsieur. De quoi s'agit-il donc ?»« Je vous prierai de ne pas t'en parler de ma mort, » s'écria-t-il avec une vivacité soudaine. « Je n'aime pas cela. Je déteste jusqu'au son de ce vilain mot. » Mrs. LeCount eut un sourire résigné. Puis jetant un coup d'œil sur son projet. « Je vois écrit ici le mot « décès », » remarqua-t-elle. « Peut-être, monsieur Noël, serait-il mieux à votre goût ?»« Oui, je préfère « décès ». Ce mot ne résonne pas aussi terriblement que celui de mort. » »« Continuons, monsieur, la lettre commencée. » Elle reprit sa dictée ainsi qu'il suit. « J'attache comme condition à son legs, pour l'un et l'autre cas, qu'il sera marié dans le délai de 6 mois à partir du jour de mon décès. Que la femme qu'il épousera ne sera point veuve. Que son mariage précédé de banc sera publiquement célébré dans l'église paroissiale d'Ossory, où il est connu depuis son enfance, et où l'apparentage, les tenants et aboutissants de sa future femme exciteront sans doute la curiosité publique et seront examinés de fort près. « Ceci, » dit Mrs. LeCount, quittant des yeux le projet de rédaction, « ceci, monsieur, doit servir à protéger Mr. George, dans le cas où on lui tendrait un piège pareil à celui où on vous a fait tomber. Mrs. Vanstone ne trouvera pas désormais, aussi facilement que la première fois, un faux nom et une fausse identité. Non, certes, pas même avec le secours de Mr. Bygrave. Encore une plumée d'encre, monsieur Noël. Écrivons la clause qui vient après. » « Vous y êtes ?»« J'y suis. » Mrs. LeCount continua. « Si votre neveu manquait à ces conditions, c'est-à-dire s'il était encore garçon ou déjà veuf à l'époque de mon décès, Il ne se marierait pas à tous égards, ainsi que je viens de le lui prescrire, ici, dans les 6 mois qui suivront. Mon désir est qu'il soit privé de ce legs, tant pour la totalité que pour une partie quelconque d'Icelui. Je vous requiers, dans cette hypothèse, de le mettre absolument et d'assigner la fortune qui vous est laissée par mon testament à sa sœur mariée, Mrs. Girdlestone. Maintenant que vous êtes au courant de mes intentions et de mes motifs, j'aborde la question qu'il faut examiner ensuite. Si, quand vous ouvrirez cette lettre, votre neveu n'a pas encore ou n'a plus de femme, il est évidemment indispensable de le mettre au courant des conditions à lui imposées par la présente, et cela, s'il est possible, aussitôt que vous les connaîtrez vous-même. Dans ces circonstances, devrez-vous lui communiquer sans réserve ce que je viens de vous écrire, ou devrez-vous le laisser sous cette impression que je n'ai formulée à l'égard de son mariage aucun vœu particulier? Et devrez-vous, en ce cas, lui faire envisager comme émanant absolument de vous-même toutes les conditions qu'il m'a convenu de fixer pour cet hymen? Si vous adoptez cette dernière marche, vous ajouterez une obligation de plus à toutes celles que votre amitié m'a déjà fait contracter. J'ai de graves motifs pour croire que la possession de ma fortune et la découverte de tous les arrangements particuliers que j'aurais pu prendre pour en disposer deviendront, après mon décès, le but que se proposera d'atteindre une personne sans scrupules, par toutes sortes de complots et d'intrigues frauduleuses. Je désire donc vivement, et pour vous en première ligne, que la personne à laquelle je viens de faire allusion ne puisse pas même soupçonner l'existence de la présente lettre. Et je désire également, dans l'intérêt de Mrs. Girdlestone, intérêt essentiel quoique secondaire, que cette même personne ignore absolument la transmission possible du legs sur la tête de Mrs. Girdlestone pour le cas où votre neveu ne serait pas marié dans le temps donné. Je connais l'humeur facile de George et son ouverture de cœur. Je redoute les tentatives dont il pourrait devenir l'objet, et je me tiens pour certain que la prudence nous défend de lui confier des secrets dont la révélation faite à la légère pourrait avoir des résultats graves, même des résultats périlleux. Posez donc ces conditions à votre neveu, comme s'ils émanaient de vous. Laissez-lui croire qu'elles vous ont été suggérées par la responsabilité nouvelle qui dérive pour vous d'un accroissement d'opulence. Par le rôle que vous assigne mon testament et le devoir qu'il vous impose de pourvoir mieux que jamais à la perpétuation du nom de famille. Si ces raisons ne lui paraissent pas suffisantes, il n'y aurait aucun inconvénient à lui promettre, pour le jour même de ses noces, les explications supplémentaires qu'il pourrait désirer. J'ai fini. L'exécution de mes dernières volontés vous est attribuée en vertu de la confiance implicite que je mets dans votre honneur et dans votre scrupuleux respect pour la mémoire d'un ami défunt. Je ne vous dis rien des circonstances déplorables qui me contraignent à vous écrire ainsi que je viens de le faire. Je vous les révélerai de vive voix, si j'échappe sain et sauf au danger qui me menace, car vous serez certainement de tous mes amis le premier que je consulterai dans les difficultés pénibles où je me trouve. Jusqu'à ce que mes volontés soient réalisées, gardez strictement secrète l'existence de cette lettre et ne vous en dessaisissez à aucun prix. Personne que vous, sous aucun prétexte, ne doit savoir où elle est déposée. Croyez-moi, cher amiral Bartram, votre bien affectionné, Noël Vanstone. Avez-vous signé, monsieur ? Demanda Mrs. LeCount. Avant que nous la cachetions, laissez-moi, s'il vous plaît, parcourir cette lettre. Elle la relut effectivement avec soin. Moyennant l'écriture fine et serrée de Noël Vanstone, l'épître testamentaire ne couvrait que 2 pages du papier à lettres et finissait au sommet de la 3e. Au lieu de se servir d'une enveloppe, Mrs. LeCount la plia proprement à la vieille mode, qui, par parenthèse, offrait plus de sécurité que tout autre. Elle alluma la petite bougie de l'encrier et, rendant la lettre à celui qui l'avait écrite, « Scellez ceci, Monsieur Noël, lui dit-elle, de votre propre main et avec votre propre cachet. » Après quoi, elle éteignit la bougie et de nouveau lui tendit la plume. « Adressez la lettre, monsieur, à l'amiral Bartram, St. Crux in the Marsh, Essex. Ajoutez maintenant au-dessus de l'adresse ces mots que vous signerez. À garder en votre possession et ouvrir en personne seulement le jour de ma mort, ou décès si vous l'aimez mieux. Noël Vanstone. Avez-vous fini? Laissez-moi revoir un peu. C'est parfaitement bien, à tous égards. Recevez, monsieur, mes félicitations. Si votre femme n'est pas au bout de ses complots pour avoir l'héritage de Combraven, ce n'est pas votre faute, monsieur Noël, et certainement ce n'est pas la mienne. Jugeant que la lettre terminée ne réclamait plus son attention, Noël Vanstone reprit immédiatement le train de ses préoccupations strictement personnelles. Maintenant, il faut penser à faire mes malles. Je ne puis m'en aller sans vêtements chauds. Pardon, monsieur, répliqua Monsieur le Count. Il faut au préalable que le testament soit signé. Il faut aussi trouver deux personnes pour attester votre signature. Elle regarda par la fenêtre donnant sur la rue et vit la voiture qui attendait à la porte. Le cocher sera un de nos témoins. Il est à Dumfries dans une honnête condition, et si l'on venait à le réclamer, on le trouverait sans peine. Je présume qu'il faudra, pour l'autre témoin, choisir une de vos domestiques. Ce sont toutes des femmes à redouter, mais la cuisinière est encore des trois celle qui a le moins mauvais air. Mandez la cuisinière, monsieur, tandis que j'irai appeler le cocher. Quand nous aurons ici nos témoins, il suffira que vous leur parliez en ces termes. Voici un document que je dois signer, et je désire que vous y apposiez vos noms, comme m'ayant vu inscrire le mien. Rien de plus, monsieur Noël. Dites ce peu de paroles sur votre ton habituel, et quand les signatures seront données, j'irai en personne veiller à vos malles. Je choisirai en personne les vêtements chauds dont vous avez besoin. Elle alla elle-même à la porte extérieure chercher le cocher qu'elle convoqua dans le salon. À son retour, la cuisinière y était déjà installée. Cette femme semblait offensée, sans qu'on pût savoir à quelle occasion, et jetait sans relâche sur Miss Lecount des regards effarés. Un moment après, le cocher, homme déjà mûr, fit son entrée dans la même pièce. Il y avait été précédé par une forte odeur de whisky, mais il avait la tête écossaise, autant vous dire solide, et cette odeur seule trahissait le secret de ses libations répétées. « Voici un document que je dois signer, » dit Mr. Noël Vanstone, répétant sa leçon, « et je désire que vous y apposiez vos noms, comme m'ayant vu inscrire le mien. » Le cocher regarda le testament. La cuisinière ne quitta pas des yeux Mr. Lecount. Vous ne verrez pas d'inconvénient, monsieur, dit le cocher, qui portait écrite dans toutes les rides de son visage la prudence pour laquelle ses compatriotes sont renommés. Vous ne verrez pas d'inconvénient, monsieur, à me dire tout d'abord ce que peut être ce document. Mr. Lecount intervint avant que l'indignation de Noël Vanstone eût pu se traduire en paroles. Il faut laisser savoir à cet homme, monsieur, lui dit-elle, qu'il s'agit de votre testament. Aussi bien le verra-t-il en attestant votre signature, s'il regarde en haut de la page l'intitulé de cette pièce. « Oui, » dit le cocher, qui profita immédiatement de l'indication. « C'est bien là son acte de dernière volonté. Oh »« Oyez, yeah, oyez, oh yeah, il y a un triste défi à la mort dans un document comme celui-ci. Toute chair et de l'herbe. » Continua le cocher, duquel émana une nouvelle bouffée de whisky et qui décochait au plafond un regard dévot. Comparez ces paroles avec cet autre passage de l'écriture. Il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Comparez-les encore avec le chapitre premier des Révélations, versets 1 à 15. Ce moment-là venu, que devient votre richesse? De l'écume, chers messieurs. Et votre corps, c'est encore l'écriture qui le dit, de l'argile pour le potier. Et votre vie, toujours d'après l'écriture, le souffle de vos narines. La cuisinière écoutait comme si elle se croyait à l'église, mais à aucun moment elle ne détourna ses regards de Mr. Lecount. Vous feriez mieux de signer, monsieur. C'est sans doute l'usage à Dumfries de prêcher ainsi pendant que les affaires se font, dit la femme de charge d'un air résigné. Cet homme n'y entend pas malice, j'en suis convaincu. Elle ajouta ces derniers mots d'un ton conciliant, car elle voyait l'indignation de Noël Vanstone prendre peu à peu tous les caractères d'une véritable inquiétude. L'exhortation pathétique du cocher lui inspirait évidemment autant de crainte que de dégoût. Il trempa sa plume dans l'encre et signa le testament sans articuler un mot. Le cocher, qui, des hauteurs de la théologie, descendit sans transition aux affaires de ce monde, surveilla la signature avec la plus scrupuleuse attention, puis la visa comme témoin et accompagna cette opération d'un soupir mélancolique dont une bouffée de whisky avait été la préface. La cuisinière eut quelque peine à quitter des yeux Miss LeCount, puis elle signa son nom précipitamment et leva les yeux tout aussitôt avec une espèce de tressaillement, comme si elle s'attendait à voir, dans les mains de la femme de charge, un pistolet tout armé, sorti de ses poches dans ce laps de temps si court. « Je vous remercie, » dit Miss LeCount, plus amicale que jamais. La cuisinière garda un silence agressif et jeta les yeux sur son maître. « Vous pouvez vous en aller, » dit celui-ci. La cuisinière toussa d'une façon méprisante et détala tout aussitôt. « Nous ne vous ferons pas attendre longtemps, » dit Miss LeCount en congédiant le cocher. « D'ici à une demi-heure, peut-être plus tôt, nous serons prêts à nous en revenir. » L'austère physionomie du cocher se détendit pour la première fois. Avec un sourire mystérieux et sur la pointe des pieds, il se rapprocha de Miss LeCount. « Vous n'oublierez pas ceci, milady ?» balbutia-t-il avec la courtoisie la plus engageante. « Vous n'oublierez pas de compter le témoignage en su de la course, quand vous réglerez ma journée. » Il poussa là-dessus un éclat de rire guttural et laissant derrière lui une longue traînée de parfums alcooliques, sortit fièrement du salon. « Le Count, » dit Noël Vanstone aussitôt que le cocher eut refermé la porte. « Ne vous ai-je pas entendu dire à cet homme que nous serions prêts dans une demi-heure ?»« Oui, monsieur. Et après ? Avez-vous perdu la vue ?» Il posait cette question en frappant du pied avec colère. Mais Miss LeCount le regarda tout étonné. « Ne voyez-vous pas que cet animal est ivre ? » continua-t-il avec une irritation toujours croissante. « Comptez-vous ma vie pour rien ? Me livrerez-vous à la merci d'un cocher ivrogne ? Pour tout l'or du monde, je ne me laisserai jamais conduire par un homme dans cet état. Je suis étonné, LeCount, que vous ayez pu songer à une pareille imprudence. Cet homme a bu, dit Miss LeCount. Il n'est pas difficile de le voir, ni surtout de le sentir. Mais la boisson est pour lui une affaire d'habitude. S'il conserve assez de sang-froid pour marcher droit devant lui, ce qu'il a certainement fait, et pour signer son nom très posément, ce dont vous pouvez vous assurer en regardant son visa, je me permets de penser qu'il est en état de nous mener à Dumfries. Pas le moins du monde. Vous êtes étrangère, LeCount. Vous ne comprenez rien à ces gens-là. La journée entière se passe pour eux à boire du whisky. Le whisky est la plus forte liqueur qui se puisse distiller. Le whisky est connu pour son action sur les facultés cérébrales. Je ne veux pas, c'est moi qui vous le dis, affronter un pareil danger. Jamais je ne me suis laissé conduire, jamais. Je ne me laisserai conduire par personne autre que par un homme tout à fait de sang-froid. Dois-je donc, monsieur, m'en retourner seul à Dumfries? C'est cela, et me laisser ici. Me laisser seul, dans cette maison, après ce qui s'est passé. Sais-je donc, moi, si ma femme ne va pas revenir ce soir? Sais-je si son voyage n'est pas un prétexte pour me mettre à mal? Voyons, LeCount, n'avez-vous donc pas de cœur? Pouvez-vous bien m'abandonner dans la misérable situation où... Il se laissa tomber dans un fauteuil et fondit en larmes à cette idée, sans même avoir pu l'exprimer entièrement. « Oh, c'est mal, » disait-il, cachant sa figure dans son mouchoir. « C'est mal. C'est bien mal, en vérité. » Il était impossible de ne pas le prendre en pitié. Si jamais mortel eut droit à ce sentiment, c'était bien celui-ci. Sous le conflit des violentes émotions suscitées en lui depuis le matin, il avait fini par succomber. Les efforts qu'il lui avait fallu pour suivre Mrs. LeCount dans le labyrinthe de savantes combinaisons où elle l'entraînait d'une main vigoureuse l'avaient soutenu pendant la durée même de ses efforts. Du moment où il cessait, le malheureux devait s'affaisser. L'épisode du cocher n'avait fait que hâter un résultat dont le cocher, à coup sûr, était bien innocent. « Vous m'étonnez. « Vous me faites de la peine, monsieur, » dit Miss LeCount. « Je vous supplie de vous calmer. Je resterai ici, pour peu que vous le désiriez, avec le plus grand plaisir. J'y passerai la nuit, si cela peut vous être agréable. Après une si terrible journée, vous avez besoin de calme et de repos. Je vais à l'instant même, monsieur Noël, renvoyer le cocher. Je lui donnerai un mot pour le propriétaire de l'hôtel, et la voiture reviendra nous prendre, demain matin, avec un autre homme pour mener les chevaux. » La perspective que ces paroles déroulaient devant lui sembla le rasséréner. Essuyant ses yeux, il baisa la main de Mrs. LeCount. « Oui, » disait-il d'une voix affaiblie, « renvoyez le cocher et demeurez ici. Bonne créature, excellente LeCount. Renvoyez cette bête brute et revenez tout aussitôt vous installer près de moi. Nous nous arrangerons confortablement au coin du feu, LeCount. Nous aurons un bon petit dîner et nous tâcherons qu'il ressemble à ceux d'autrefois. » Sa faible voix lui manqua ici tout à fait. Il s'en retourna au coin du feu, et sous l'influence pathétique de l'idée qu'il venait d'émettre, il fondit en larmes de plus belle. Mrs. LeCount le quitta pendant une minute pour envoyer le cocher. Quand elle rentra au salon, elle trouva son maître prêt à sonner. « Que désirez-vous, monsieur ? » lui demanda-t-elle. « Je désire enjoindre au domestique de préparer votre chambre, » répondit-il. « Je voudrais, LeCount, que vous eussiez à vous louer de mes attentions. » « Vous êtes bien bon, monsieur Noël, mais veuillez attendre une minute. Il est peut-être opportun de mettre ces papiers en lieu sûr avant que les domestiques reviennent. Si vous voulez insérer sous la même enveloppe le testament et la lettre cachetée, et si vous voulez adresser l'enveloppe à l'amiral, je prendrai soin qu'elle lui parvienne sûrement. Voulez-vous, monsieur Noël, vous rapprocher de la table seulement pour quelques secondes encore ?»« Non. » Il s'entêtait. Il ne voulait plus bouger d'auprès du feu. Il était malade et las d'écrire. Il maudissait le jour de sa naissance. La vue de la plume et de l'encrier lui donnait mal au cœur. La patience et tous les talents persuasifs de Mrs. LeCount purent à peine le déterminer à écrire pour la seconde fois l'adresse de l'amiral. Elle n'y parvint qu'en lui apportant sur l'écritoire l'enveloppe blanche et en la posant sur ses genoux avec mille et mille chatteries. Il grommelait. Il alla même jusqu'à jurer. Mais enfin, il traça ses mots sur l'enveloppe. Pour l'amiral Bartram, à St. Crux in the Marsh, au bon soin de Mrs. LeCount. Ce dernier acte de complaisance avait épuisé sa docilité. Il refusa, dans les termes les plus formels, de cacheter l'enveloppe. Le contraindre en ceci n'était point indispensable. Son cachet, posé sur la table, y était à la disposition de la femme de charge, et il devait être absolument indifférent qu'il s'en fût servi lui-même ou en eût abandonné l'usage à une personne de confiance. Mrs. LeCount cacheta l'enveloppe où les deux importants documents avaient été logés avec toutes sortes de soins. Elle ouvrit pour la dernière fois son sac de voyage et, s'arrêtant un moment avant d'y placer le pli cacheté, contempla ce précieux dépôt avec une expression de triomphe qu'aucune parole humaine ne saurait rendre. Elle souriait en le laissant tomber dans le sac. Nul soupçon que le testament pût renfermer des phrases, des réflexions superflues, dont un habile praticien ne se serait pas servi, nulle crainte que la lettre fût un document auquel un habile praticien aurait pu ajouter quelque chose d'essentiel, ne troublait en cet instant sa pensée. Sa haine contre Magdalen, sa soif de vengeance lui donnant une confiance aveugle dans ses propres talents et dans le savoir juridique de son ami, elle confiait l'avenir sans aucune appréhension fâcheuse au résultat de cette matinée si pleine de promesses. Noël Vanstone sonna au moment même où elle refermait son sac de voyage. Ce fut Louisa, cette fois, qui répondit au signal. « Préparez la chambre d'amis, » lui dit son maître. « Cette dame couchera ici ce soir. Et prenez soin de mettre à l'air mes vêtements les plus chauds. Nous partirons demain matin, cette dame et moi. » Louisa, si polie et si docile d'ordinaire, accueillit ses ordres par un silence boudeur. Darda un regard colère à la mystérieuse invitée de son maître et quitta aussitôt le salon. Les domestiques prenaient toutes, bien évidemment, l'intérêt de leur maîtresse, et toutes étaient du même avis au sujet de Mrs. LeCount. « Voilà qui est fait, » dit Noël Vanstone avec un soupir de soulagement infini. « Venez vous asseoir, LeCount. Mettons-nous à notre aise. Bavardons auprès du feu. » Mrs. LeCount accepta l'invitation et attira un fauteuil à côté de lui. Il prit sa main avec une tendresse confiante, et tandis que la causerie allait son train, ne lâcha plus cette main si blanche et si lisse. Un étranger venant à regarder par la fenêtre les aurait pris pour une mère et son fils. Quel heureux intérieur, se serait-il écrié en lui-même. Cet entretien familier dont Noël Vanstone avait pris la direction consistait, comme d'ordinaire, en une interminable série de questions toutes relatives à Noël Vanstone lui-même et à ses projets futurs. Où l'emmènerait Lecount quand ils s'en iraient ensemble le lendemain matin? À Londres? Pourquoi? Pourquoi le laisserait-on à Londres, tandis que Lecount irait à St. Crux, remettre à l'amiral la lettre et le testament? Parce que sa femme, s'il allait chez l'amiral, pourrait l'y suivre? À la bonne heure, c'était un motif. Et aussi parce qu'il lui fallait se dérober à elle. Caché dans quelque appartement confortable, à portée de Mr. Lescombe. Pourquoi ce voisinage de Mr. Lescombe? Ah oui, sans doute, pour se renseigner sur les secours qu'il pourrait attendre de la justice. Et la justice le débarrasserait-elle de la misérable qui l'avait trompé? Lecount était bien ennuyeuse de n'en savoir pas plus long à ce sujet. La justice déclarait-elle qu'il était allé contracter de secondes noces, validant ainsi les premières et couvrant leur nullité, parce que, sur le territoire écossais, il avait publiquement vécu comme mari et femme avec cette misérable? N'avait-il pas entendu dire qu'en Écosse, la présomption publique d'un mariage suffisait pour le rendre valide? Comme il était contrariant que Lecount, assise là, fut réduite à déclarer qu'elle n'en savait rien. Lui faudrait-il rester longtemps à Londres, tout seul, sans avoir personne à qui parler, sauf Mr. Lescombe? Lecount reviendrait-elle le trouver aussitôt après avoir remis aux mains de l'amiral ses importants papiers? Lecount se regarderait-elle encore comme à son service? Bonne Lecount, excellente Lecount. Et quand toute cette besogne légale serait terminée, que ferait-il? Pourquoi ne pas quitter cette Angleterre de malheur? Pourquoi ne pas vivre à l'étranger, comme jadis? Pourquoi pas en France, près de Paris, dans quelque endroit, bon marché? À Versailles, par exemple, ou à Saint-Germain, dans quelque jolie petite maison française, à bon compte, avec une petite bonne française pour cuisinière, qui ne lui ferait pas gaspiller en victuailles tous ses revenus, avec un joli petit jardin, qu'il pourrait cultiver lui-même dans l'intérêt de sa santé, comme aussi pour n'avoir pas à payer un jardinier. N'était-ce pas là une bonne idée? Et l'avenir, envisagé à ce point de vue, se présentait couleur de rose, n'est-ce pas, Lecount? Ainsi divaguait ce pauvre être débile, ainsi calculait ce misérable petit avare. L'obscurité se faisant après une journée de novembre, on le vit s'engourdir peu à peu. Ses interminables questions s'arrêtèrent enfin. Il s'endormit. Au dehors, le vent chantait sa chanson d'hiver. La marche pesante des passants, le bruit des roues criant sur le chemin, s'éteignirent dans un silence lugubre. Il dormait tranquillement. Les clartés mobiles du foyer allaient et venaient sur son petit visage blême, sur ses mains énervées qui pendaient le long du fauteuil. Mrs. Lecount, jusqu'alors inflexible, commençait maintenant à le prendre en pitié. Elle était arrivée à ses fins. Elle avait sa place dans le testament. Noël Vanstone avait, spontanément et de propos délibérés, confier son avenir aux soins maternels de la femme de charge. Le coin du feu était confortable. Tout, en un mot, se prêtait à un mouvement de charité chrétienne. « Pauvre malheureux, » disait Mrs. Lecount, tout en le contemplant avec une austère compassion. « Pauvre malheureux. » L'heure du dîner le ranima. Il dîna gaiement. Il revint à cette idée d'un établissement économique dans une petite maison aux environs de Paris. Il eut des gentillesses et des sourires anacréontiques, et il parlait français à Mrs. Lecount, au grand scandale de la servante et de Louisa, qui tour à tour les venait guetter. Le repas achevé, il revint s'installer devant le feu, dans son fauteuil confortable, et Mrs. Lecount lui tint compagnie. Il reprit l'entretien, ce qui équivalait pour lui à répéter ses questions, mais elles ne lui venaient pas aussi rapides, aussi faciles qu'au début de la journée. Elles faiblirent bientôt, elles se succédèrent à des intervalles de plus en plus longs, elles cessèrent enfin tout à fait. Vers 9 heures, il se rendormit. Cette fois, ce n'était plus un sommeil paisible. Il laissait échapper des mots sans suite. Il grinçait des dents et sa tête, tantôt penchée à droite, tantôt à gauche, s'agitait sur le dos du fauteuil. Mrs. Lecount fit tout exprès assez de bruit pour le réveiller. Il s'éveilla effectivement, l'œil hagard et les joues empourprées. Il se mit à marcher par la chambre avec agitation sous l'empire d'une idée nouvelle. Il voulait écrire à sa femme une lettre terrible, une lettre d'éternels adieux. Mais comment la rédiger? Quel langage pourrait lui servir à exprimer ce qu'il sentait? L'énergie shakespearienne elle-même serait au-dessous des imprécations à formuler. Il avait été victime d'un attentat qui n'avait pas son pareil. Un odieux vampire s'était glissé dans son sein. Une vipère s'était cachée auprès de son foyer. Où trouver des paroles qui pussent laisser à jamais sur elle l'empreinte infamante due à son crime? Il s'arrêta, suffoqué par le sentiment de sa rage impuissante. Il s'arrêta et agitait dans le vide, avec un tremblement sénile, ses deux poings fermés. Mrs. LeCount intervint avec une volonté, une décision qui prenait leur source dans de sérieuses alarmes. Après les pénibles efforts déjà imposés à la faiblesse de son maître, le mouvement passionné auquel il s'abandonnait maintenant pouvait lui coûter une nuit d'insomnie et le mettre hors d'état de voyager le jour suivant. Avec des difficultés infinies, à force de lui promettre qu'ils reviendraient ensemble sur ce sujet et qu'elle lui dirait dès le matin ce qu'il avait à faire, elle obtint enfin de lui qu'il remontât à se coucher. Il accepta l'appui de son bras. Pendant qu'il gravissait l'escalier, l'attention de Noël Vanstone, au grand soulagement de la femme de charge, s'absorba tout à coup dans une fantaisie nouvelle. Il venait de se rappeler un certain mélange de vin, d'œufs, de sucre, d'épices, boissons chaudes et fortifiantes qu'elle lui fabriquait autrefois, et dont il avait grande envie de prendre quelques gorgées avant de se mettre au lit. Mrs. LeCount lui passa sa robe de chambre et redescendit ensuite pour lui préparer, au feu du salon, le breuvage qu'il avait demandé. Elle sonna et commanda, au nom de Noël Vanstone, les ingrédients nécessaires. Les domestiques, avec la petite malice ingénieuse qui caractérise leur espèce, apportaient chaque chose l'une après l'autre. Lui faisant attendre aussi longtemps que le permettait la décence, chacun des objets qu'elle avait réclamés. Elle avait obtenu successivement la casserole, la cuillère, le gobelet, la râpe à muscade et le vin. Mais non l'œuf, le sucre et les épices, lorsqu'elle entendit son maître au-dessus de sa tête allant et venant à grand bruit dans sa chambre. Bien certainement il s'agitait encore au sujet de la fameuse lettre. Elle remonta aussitôt, mais il la gagna d'itesse. Il l'avait entendu venir et quand elle ouvrit la porte, elle le trouva dans son fauteuil, lui tournant le dos et décidé à tout nier. Trop au courant du personnage pour essayer aucune remontrance, elle se contenta de lui annoncer la prompte arrivée du breuvage chaud et rebroussa chemin pour quitter la chambre. En s'en allant, elle remarqua dans un coin une petite table sur laquelle était un encrier et une boîte à papier qu'elle voulut escamoter adroitement sans attirer l'attention de son maître. Mais cette fois encore, il déjoua ses projets. Il lui demanda, d'un ton fâché, si par hasard elle ne se fiait pas à sa promesse. Craignant de l'offenser, elle replaça sur la table ce qu'elle y avait pris et quitta immédiatement la chambre. Au bout d'une demi-heure, le breuvage était prêt. Elle le lui apporta écumant et parfumé dans un gobelet de bonne dimension. « Ceci bu, il dormira, » pensait-elle en ouvrant la porte. « Je l'ai fait tout exprès un peu plus fort qu'à l'ordinaire. » Noël Vanstone avait changé de place. Il était assis devant la table au coin de la chambre, tournant encore le dos à Mrs. LeCount, et il écrivait. Cette fois, sa finesse d'oreille l'avait mal servi. Cette fois, elle l'avait pris sur le fait. « Oh, Monsieur Noël, Monsieur Noël !» dit-elle avec l'accent du reproche. « Est-ce ainsi qu'on peut se fier à vos promesses ?» Il ne répondit rien. Il était assis, son coude gauche sur la table et la tête appuyée sur sa main gauche. Sa main droite, dans laquelle la plume était en quelque sorte couchée, reposait sur le papier. « Voici de quoi boire, Monsieur Noël, » dit-elle d'un ton plus doux, car elle craignait déjà de l'avoir blessé. Il ne semblait pas s'apercevoir qu'elle fût là. Elle se dirigea vers la table pour lui rendre le sentiment des choses présentes. Était-il donc perdu dans ses pensées? Non, il était mort.